réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment 6 heures ? Bonjour tout le monde, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible, votre réveil culturel tous les jours de la semaine de 6h à 6h30. Bonjour Alain Fromager. Bonjour. Vous êtes venu très tôt, cher ami. Oui, mais j'aime bien, je suis un matinal. Bon, vous savez que vous êtes prévu pour la deuxième partie de l'émission, c'est-à-dire pour l'actualité. Ouais. Et on va parler de la pièce Vue du pont, mais c'est pas plus mal que vous soyez venu au début, car cette semaine, à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, on va parler d'Arthur Miller. Parfait. Bon, c'est parfait. Bien de développer une thématique comme ça sur une semaine. Et avec la spécialiste Liliane Kerjean, Arthur Miller pour marquer le centenaire de sa naissance, le 10e anniversaire de sa disparition, et puis aussi pour parler de cette pièce, Vue du pont. Vous jouez dans cette pièce. Absolument, oui. Qui est bien sûr adaptée d'Arthur Miller. Et c'est une pièce qui a été écrite dans les années 50, mais qui a vraiment beaucoup de résonance avec ce qui se passe aujourd'hui. Elle a été écrite donc dans les années 50. On parle d'une Amérique des années 30 à peu près. Hein. La première très grande vague d'immigration italienne, cause économique et choléra aussi à l'époque, mais enfin économique beaucoup, ça nous touche et ça nous rappelle des choses. Et voilà, on joue ça actuellement aux ateliers Berthier, oui, absolument. On en parle aux alentours de 6h20, dans un instant, notre tête chercheuse de la semaine, Liliane Kerjean. Arthur Miller. Well, I wrote Death for Salesman at the beginning of the greatest boom, probably in world history. I knew the boom was going on, but I was not alone in thinking in 48 when I was writing about it. The reality was depression. The reality was the whole thing coming down in a heap of wood and cinders. Arthur Miller, un Américain sur le qui-vive, par Liliane Kerjean, professeure des universités à Rennes, agrégée de lettres, spécialiste de littérature américaine. Bonjour Liliane Kerjean. Bonjour. Vous avez écrit aussi bien sur Truman Capote que sur Scott Fitzgerald ou Tennessee Williams. Et bien sûr, Arthur Miller. Et cette semaine, à l'occasion du centenaire de sa naissance, Arthur Miller est né en 1915 et à l'occasion du 10e anniversaire de sa disparition, il est mort en 2005, nous allons parler de son œuvre, mais aussi de sa position dans la société américaine et dans le monde du théâtre et des lettres. Premier épisode, le théâtre, l'écriture dramaturgique, miroir d'une Amérique du XXe siècle. Liliane Kerjean, quand je vous ai parlé d'Arthur Miller, la première réflexion que vous avez eue, c'était de parler du théâtre américain. Si pour vous, Arthur Miller, c'était d'abord un dramaturge avant d'être un écrivain? C'est d'abord un dramaturge parce que lorsqu'il était étudiant en journalisme, il est allé couvrir comme journaliste une grève aux usines Ford à Flint et immédiatement, il a transformé en pièce. Donc, il a gagné un prix et ça lui a mis le pied à l'étrier. Pendant la guerre, on lui a fait des pièces de commande et il écrivait des pièces radiophoniques où il rencontrait Orson Welles dans les couloirs et il regardait ce que faisait Orson Welles. Si bien qu'il a très tôt vu ce qu'était le bonheur de la radio, l'efficacité, le sens de la chute, de la séquence, de l'émotion à faire passer rapidement. Premier épisode, donc, Miller, l'écriture dramatique, une écriture miroir de l'Amérique du XXe siècle. En quoi il a été témoin des grands bouleversements du XXe siècle, Arthur Miller? Il a été témoin de trois épisodes qui ont marqué l'Amérique. Le crack de 1929, évidemment la guerre et l'Holocauste puisqu'il est juif, et puis tout le bloc de l'Est et la guerre froide. et la chasse aux sorcières dont il a été une des victimes avec le sénateur McCarthy. Et donc, il est en prise directe, finalement, pour faire passer une réflexion qui est de nature morale. Que peut-on dire de des années de formation d'Arthur Miller, Liliane Kerjean? Ben d'abord, lorsqu'il il naît à New York, il naît dans une famille fortunée en 1915 à Harlem, sur la 112e rue, et les fenêtres du grand appartement donnent sur Central Park. Donc c'est une famille cossue, sa mère aime la musique et les arts, et son père Isidore a très bien réussi dans le textile. Donc il a une usine de confection, et ma foi, c'est une famille fortunée. Mais arrive 1929, c'est le crack, la faillite de la famille. Et là, on déménage du bel appartement et on part avec les cousins et les beaux-frères qui sont à Brooklyn. Et là, c'est une économie de survie. Donc ce qui est très important, c'est que Mella connaît tout le spectre social. Depuis la richesse, la limousine qui l'amène à l'usine de son père, les précepteurs, et quand il est adolescent, les petits métiers, il livre des viennoiseries en vélo, il pousse la chansonnette, il fait des petits métiers de manutention pour survivre. Si on commençait par le début, est-ce que les livres, la culture, le théâtre étaient déjà présents avant le crash boursier dans l'enfance d'Arthur Miller? Oui, sa mère l'emmenait souvent au concert et elle était capable de rejouer de mémoire les airs qu'elle avait entendus la veille, et donc il y avait un piano, on faisait de la musique, donc il était accoutumé à parler sur les arts. Son père, pas du tout. Son père a bien réussi dans les affaires, mais ne s'intéressait pas à ce côté-là de la vie new-yorkaise. Si bien qu'il a toujours pensé que les arts occuperaient une place importante. Et puis aussi, lorsqu'il a survécu à cette période de disette grâce à ses petits métiers, il a voulu aller à l'université. Donc c'était difficile de réunir de l'argent, donc il a fini par y aller. Et là, il a choisi non pas la littérature d'ailleurs, mais le journalisme, parce que c'était en prise sur le réel. Et donc, il a bien réussi en journalisme. Tout de suite, il s'est mis à écrire pour les clubs, pour la revue de la fac. Et puis, lorsqu'il a terminé ses études de journaliste, donc il avait eu ce prix pour avoir couvert une grève dans les usines Ford, il s'est marié à une de ses condisciples, qui a travaillé dans une maison d'édition. Donc il tourne toujours autour de, finalement, le fait du livre et de la culture. Et quand il revient à New York, elle trouve un emploi qui assure la paix du ménage, mais lui va écrire pour la radio des pièces de commande. Donc ils sont à la limite de la propagande en 44, puisque les États-Unis s'intéressent de près à la Seconde Guerre. Et au fond, ça lui permet de montrer sa possibilité d'écrire des pièces courtes et des pièces à thème. On lui fournit la documentation et il écrit la pièce à partir d'une documentation. C'est bien de rappeler à la radio, qui plus est, que oui, l'influence de la radio a été déterminante dans l'écriture d'Arthur Miller, parce que c'est ce que vous semblez dire, Liliane Kerjean. Ah oui, il était très admiratif à la fois de la diction, mais aussi des improvisations et de la présence radiophonique de quelqu'un comme Orson Welles. Il ne manquait pas de rester après ses propres enregistrements, simplement pour regarder le talent de cet homme à la radio. S'il fallait parler des écrits de jeunesse d'Arthur Miller, tout ce qu'il a fait avant Mort d'un commis voyageur, est-ce qu'on peut y déceler des influences? Ou est-ce que cet homme, Arthur Miller, a toujours écrit contre les auteurs qu'il a lus, contre les auteurs qui étaient à la mode à l'époque? Il n'était pas contre les auteurs. Par exemple, il a adapté lui-même une pièce d'Ibsen. Vous voyez, quand il s'intéresse à la littérature, il s'intéresse à la littérature de théâtre. Donc, c'est pas anodin. Et au fond, il lui semble qu'il faut créer une littérature américaine qui soit accessible et qui soit présente, si bien qu'il va se défaire petit à petit des modèles européens, il va se défaire des modèles grecs et de la tragédie grecque dans le sens noble et classique, pour faire un théâtre efficace et un théâtre du peuple. Il commence par des faits qui vont frapper les imaginations. La première pièce, Ils étaient tous mes fils, eh bien, qui gagne le prix des critiques de New York. Donc, il est lancé immédiatement avec sa première pièce. parle d'un fait de guerre, justement. Un industriel un peu véreux qui vend des pièces qui ont un défaut et qui vend parce qu'il faut vendre et parce que c'est la mystique américaine, le rêve américain, la production, l'enrichissement, etc. Et donc, tous les thèmes de Miller sont déjà dans cette première pièce. Le rêve américain, s'enrichir, produire, croître, embellir, mais aussi la trahison et puis l'engagement de l'Amérique pour la guerre. J'ai entrepris chacune de mes pièces avec l'intention de dévoiler une vérité déjà connue, mais pas encore admise. Quand Arthur Miller parle de son style, on a l'impression que l'engagement politique l'emporte sur l'engagement littéraire ou même théâtral ou stylistique. L'engagement politique est très fort chez Miller parce que comme il veut passer un message sans écrire du tout du théâtre de propagande, il veut effectivement manipuler son auditoire et c'est très remarquable quand on écoute un public qui va aux pièces de Miller. Par exemple, lorsque je suis allée avec lui voir une de ses pièces qui était Ils étaient tous mes fils, eh bien la salle entière murmure ensemble et découvre ensemble le fait de la trahison, que le père savait que ses pièces avaient un défaut et qu'il les vendait quand même. Et c'est d'autant plus tragique que son fils est pilote de bombardier. Alors Liliane Kerjean, là vous nous donnez une information, donc vous avez bien connu Arthur Miller, vous êtes allé voir une de ses pièces en sa compagnie. Il aimait bien cette réaction, est-ce que pour lui c'était la réaction qu'il voulait avoir en écrivant les pièces? Oui, Miller venait très souvent au théâtre avant et surtout au dernier acte pour voir l'effet produit par la montée de l'émotion et la catharsis, la purgation des passions. Au fond, il était un rat de théâtre. Il venait toujours voir le public et invité. En fait, c'était son quotidien, le théâtre, quand il habitait New York. S'il fallait faire une comparaison avec une écriture romanesque, c'est-à-dire un livre ou ses travaux pour le cinéma, ou quand le cinéma s'est emparé de son œuvre, est-ce que pour lui, l'antre naturel d'Arthur Miller, c'était le théâtre et c'est resté le théâtre jusqu'au bout? C'est resté le théâtre jusqu'au bout parce que ça lui semblait plus efficace et à très grande diffusion. Et en plus, il a eu une envergure internationale au théâtre. Il est allé à Pékin monter La mort de Camille Voyageur, donc il est devenu planétaire à cause du théâtre. Et il n'a pas cette aura sur ses textes de nouvelles et sur ses textes de romans. Mais la première fois qu'il écrit un roman, Situation normale, c'est très ironique sur ce qui se passe dans un arsenal. C'est jamais normal ce qui se passe dans un arsenal. Donc c'est une machine de guerre qu'on est en train d'alimenter. Ces écrits romanesques sont aussi engagés. Diriez-vous que la parole, les dialogues, c'est-à-dire ce qui fait la force du théâtre, c'est ce qui plaisait le plus à Arthur Miller, lui qui a quand même imaginé des histoires, des découpages d'histoires, des formes d'histoires assez originaux pour être aussi soulignés? Ben de toute façon, il ne fait pas mystère du dénouement, par exemple. Vous voyez, c'est assez audacieux qu'on commence par savoir la mort d'un commis voyageur. Avant même de s'asseoir, le spectateur sait qu'il va mourir. Donc visiblement, c'est pas le suspense, c'est pas ça qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est le dialogue, c'est comment il en est arrivé là, qu'est-ce qui l'a poussé à mourir. Alors vous qui êtes franco-américaine, Liliane Kerjean, est-ce qu'on peut dire que les dialogues d'Arthur Miller, ce sont des dialogues de l'américain moyen que tout le monde peut comprendre, ou est-ce que c'est une langue sophistiquée en version originale? C'est pas sophistiqué en version originale, c'est immédiatement accessible et c'est ça son intention, que ce soit un théâtre du peuple et pour le peuple. Il a des gens très ordinaires dans son théâtre, c'est pas du tout un théâtre de l'élite, il est tout à fait opposé à ça. Donc ce sont des Américains moyens qui viennent à Broadway pour le week-end et qui achètent une place. Et quand ils achètent une place, ils achètent une valeur sûre et ils achètent un grand auteur, ils achètent une place d'Arthur Miller. Mais cette image d'Arthur Miller intello, très forte en France, c'est une lecture européenne ou française d'Arthur Miller, où il avait aussi ce statut aux États-Unis? Mais il avait ce statut d'homme engagé, mais il n'avait pas le statut d'intello. Il était l'intello, par exemple, pour ses épouses, parce qu'il avait un succès mondial. Mais au fond, il travaille beaucoup aussi. Hein, quand il est chez lui à Roxbury, il se lève à 7 heures, il est à sa table de travail à 8 heures, il travaille jusqu'au déjeuner, il fait une très courte sieste et il se remet à travailler. Donc c'est quelqu'un qui a lu énormément, qui connaît extrêmement bien la Bible, qui se tient au courant, qui lit beaucoup de presse, qui fait des articles de presse. C'est un écrivain de tous les instants. Et surtout un écrivain engagé. On verra ça demain avec vous, Liliane Kerjean. Merci de nous accompagner cette semaine pour nous parler d'Arthur Miller. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Et mon invité, qui est là depuis tout à l'heure, Alain Fromager, bonjour. Bonjour. Rebonjour même. On joue en ce moment Vue du Pont, donc d'Arthur Miller, aux Ateliers Berthier. C'est dans le 17e arrondissement à Paris, métro Porte de Clichy. Une pièce d'Arthur Miller, et comme vous l'avez très bien précisé en début d'émission, elle a été écrite et montée en 1955, mais l'action se déroule dans les années 30. Une pièce écrite en Amérique dans les années 50, mais il y a des résonances avec l'actualité, car c'est une pièce sur l'hospitalité, l'émigration clandestine, le devoir de solidarité. Là, il s'agit de deux Italiens qui arrivent clandestinement à New York pour trouver du travail. Et dans cette pièce mise en scène par Ivo Van Hove, vous êtes tout à la fois le narrateur du drame qui va se jouer et l'avocat qui n'a rien pu faire pour l'empêcher. Donc vous évoluez entre le public en tant que narrateur et puis vous rejoignez tout de suite les autres comédiens quand il faut donner la réplique. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est, il est celui qui voit du pont, on pourrait dire, d'une certaine manière. Et il fait ce pont entre le public et les protagonistes de la pièce. Il est aussi celui qui est dans le passé, hein, de la narration, comme dans toute bonne tragédie, il est dit dès le début que tout va se que ça va voilà, finir voilà. Dans le sang. Dans le sang. Il y révèle aussi son impuissance, effectivement. Donc, il est dans ce passé et ce présent de l'action, de la représentation. Et il est aussi sur un pont entre cette Sicile archaïque qui fonctionne avec des codes comme celui de l'honneur et cette Amérique contemporaine, même si elle est des années 30, où lui a pris, donc ce personnage Alfieri, le parti du compromis et donc le parti de la loi. Et donc on va assister aussi à cette lutte entre, disons, une justice qui se donne un peu comme celle du Talion et une justice qui se réfère à des codes et à un livre. Quand vous prenez la parole en tant que narrateur en début du spectacle, ça commence par vous qui mettez en place les personnages. Oui, oui. Est-ce que vous êtes déjà comédien? Est-ce que vous mettez Alain Fromager dans la tête d'un Américain qui raconte dans les années 50 un drame qui s'est déroulé une vingtaine d'années auparavant? Alors, Ivo Van Hove me disait au début des répétitions que c'était certainement un des textes les plus difficiles de la pièce, parce que plusieurs choses se jouent effectivement. Il y a effectivement la position du narrateur et ou disons du coryphée, puisque il monte ça vraiment comme une tragédie grecque en trifrontale, hein, je parle d'Ivo Van Hove. Et puis il faut faire entendre aussi ce qu'il peut y avoir d'empathie chez cet avocat, parce qu'il vient de cette culture-là aussi. Et donc, il le comprend, cet homme, cet Eddie Carbone, ce héros qui fonce dans la tragédie. Il le comprend, parce qu'il est... Il le présente et il le comprend. Et le comprend, il est de la même chair. Et c'est pour ça que, pour lui, c'est une puissance... À le sauver et à faire qu'il n'aille pas jusqu'au bout de la tragédie, c'est-à-dire jusqu'à la mort, on peut le dire. Cette impuissance-là, elle est encore plus difficile à vivre parce qu'il y a empathie. Voilà. Et donc, dans ce petit monologue d'une page, il faut faire entendre tout ça. La dualité, la loi qui régit, son incapacité, son impuissance, son appartenance à ce monde-là, son choix, enfin voilà. Vous pouvez nous le faire, là, ce matin, à la radio. Je pourrais vous en dire un petit bout, oui. Vous ne pouviez pas le savoir, mais il vient de se produire une chose amusante. Vous voyez cet air gêné quand il me salue? C'est parce que je suis avocat. Dans ce quartier, croiser un avocat ou un prêtre dans la rue, ça ne porte pas chance. On nous associe uniquement à des malheurs, alors on aime autant se tenir à distance. Je me dis souvent que derrière ce petit hochement de tête suspicieux se cachent 3 millions de méfiance. Un avocat, c'est un homme de loi. Et en Sicile... La terre d'où viennent leurs pères. La loi n'a rien d'une idée plaisante depuis que les Grecs ont été vaincus. J'ai tendance à remarquer les ruines en toutes choses, peut-être parce que je suis né en Italie. J'avais déjà 25 ans quand je suis arrivé ici. À l'époque, Al Capone, le plus grand de tous les Carthaginois, faisait son apprentissage sur ces pavés. Et Frankie Yale, en personne, s'est fait proprement couper en deux par une rafale de mitraillette à l'angle d'Union Street, à 2 rues d'ici. Oh, il y en a plus d'un dans ce coin qui a fini exécuté en toute justice par des hommes injustes. La justice, par ici, c'est très important. Bravo Alain Fromager. Alors, vous avez un double rôle dans cette pièce, hein, parce que, ok, c'est Charles Berling qui joue le rôle d'Eddie Carbone, donc personnage central, mais vous êtes tout à la fois le narrateur et l'avocat. Est-ce que vous changez de registre ? On est dans une narration, quelque chose qui ressemblerait à une plaidoirie, parce qu'il est avocat, même s'il n'y a pas les mouvements de robe, etc. Et puis après, on est dans l'action. La narration est une écriture qui est plus longue, qui se développe plus lentement. On est dans un souffle plus long. Et quand on passe à l'action, à ce présent, ce présent, c'est des idées qui se confrontent les unes aux autres avec une rapidité, puisqu'on n'est pas dans un théâtre psychologique. Hein. Et toutes ces résonances avec l'actualité. Et est-ce que c'était l'objet même du metteur en scène? Mais je crois qu'Ivo Vanov monte cette pièce, oui, pour parler de ça. Oui, oui, bien sûr, il le dit. Des réfugiés. Absolument. Alors, la bonne idée de cette adaptation de la pièce d'Arthur Miller, parce qu'au début, on se dit, mais pourquoi il n'a pas adapté au drame d'aujourd'hui? Il suffisait juste de déplacer l'action à Marseille ou à Calais. Oui, mais bien sûr. Mais justement, l'intelligence du texte, c'était d'être très fidèle à ce qu'a écrit Arthur Miller et de laisser les spectateurs faire le rapprochement entre ces deux situations. Oui, et puis on touche à quelque chose, malheureusement, d'intemporel, ou d'universel et d'intemporel, parce que ces migrations dont on parle, elles existent dans tous les coins du globe. Ça n'est pas simplement les réfugiés syriens, irakiens, économiques albanais ou des mouvements de population, de gens qui fuient la misère, la maladie, des guerres. C'est sur tout le globe et de tout temps. Et les Siciliens ont été brassés. C'est pour ça que Miller parle de Carthagène et parle des Carthaginois. Mais les Siciliens ont été balayés par les Grecs, les Romains. Oui, mais vous comprenez l'ironie du sort aujourd'hui, Alain Fromager. Aujourd'hui, les Siciliens reçoivent des immigrants. Oui, je sais bien. Oui. Ils passent par Syracuse, d'ailleurs. Alors, il paraît qu'Ivan Vanov, qui est un metteur en scène belge flamand, ne parle pas le français. Eh bien, je vais vous faire une révélation. Il s'est attaché non seulement à nous parler français, mais à prendre des notes en français, à les écrire en français et à nous les donner en français. Nous n'avons répété qu'en français. Oui, et il comprenait donc le français. Très très bien. Parce que lui-même, il avait déjà monté cette pièce avec à Londres. À Londres. Oui, avec anglais. Des acteurs anglais. Oui, en anglais. Oui. Alors, comment vous avez préparé ce rôle, Alain Fromager? Je fais partie des acteurs qui, quand je parle de Carthagène, je veux savoir à quoi ça ressemble. Donc, je m'intéresse aux Carthaginois, je m'intéresse à Al Capone, à Frankie Yale, à la mafia. À Arthur Miller, je suppose. Arthur Miller, oui, à cette volonté qu'avait la mafia. Mais ça, c'était très intéressant d'imposer, finalement, déjà une loi qui n'était pas la loi américaine. Et c'est pour ça que sont nés des conflits et qu'il y a eu des... Ils se sont opposés au départ, la mafia. Ils continuent, d'ailleurs. Donc, voilà, on sillonne, on lit, on lit le voyageurs sans bagages, on regarde des films, on s'inspire comme on peut pour que la parole sur le plateau s'inscrive dans de l'image ou des textes ou une réflexion. Est-ce que vous aimez plus le théâtre que le cinéma? On vous voit plus au théâtre qu'au cinéma à la Fromagée? Oui, on me voit beaucoup au théâtre, et donc forcément quand on est au théâtre, on a moins la possibilité de tourner, mais on propose... C'est un choix? Oui, je pense qu'au départ c'est un choix, et maintenant c'est devenu, comment dire, ma façon d'être et et d'exercer ce métier. C'est un métier de théâtre, c'est une vie de théâtre, oui. Mais ça me va. Comment vous recevez les propositions à la Fromagée? Comment vous acceptez un rôle? Le texte, le metteur en scène? Bon, c'est un ensemble. Là, pour le coup, c'est le metteur en scène, c'est le texte, c'est les partenaires, Charles Berling, Caroline Proust, qui sont aussi des amis. Et puis c'est le sujet de la pièce. Enfin, voilà, ça dépend. Prêter sa voix, prêter son corps à un personnage, ça évoque quoi pour vous, Alain Fromagée? C'est tout mon métier. Je pense que ça passe par le corps, le texte passe par le corps, et que la grande part de mon travail, c'est d'accepter que ce corps soit modifié par le texte qui le traverse, si tant est que le texte puisse modifier le corps. Mais ça arrive parfois. Et ça s'arrête à la fin de la représentation, où on vit aussi avec ces personnages dans la vie de tous les jours. Comme dit Charles, ce matin était à la radio et il disait c'est des amis le temps du on est avec eux, hein, on est avec eux tous les soirs, donc on est tout le temps avec eux, le temps des représentations, des répétitions. Après ils refont leur route, ils re-rentrent dans les brochures, mais dans ce temps de la représentation et de la répétition, bah bien sûr, hein, c'est comme si un nouveau copain, une nouvelle personne qui est avec moi, en moi, voilà, c'est normal. Vue du pont d'Arthur Miller, ça se joue en ce moment dans le 17e arrondissement, aux ateliers Berthier. Et merci Alain Fromagée. Je vous remercie beaucoup. D'être passé. C'est pas terminé. Il reste encore le questionnaire d'un autre jour. Avec plaisir. Mais on va peut-être citer tous les comédiens qui sont tous excellents autour de vous. Alors donc, pour commencer, Charles Berling, Caroline Proust, Pauline Chevillier, Nicolas Avinet, Laurent Papeau, Pierre Berriot, Frédéric Bory et moi-même. Alain Fromagée, voilà. Mon invité ce matin, qui va se prêter au questionnaire d'un autre jour. Première question. Hop. Première question, oui, non. Qu'aimeriez-vous retrouver du temps passé? Bon, je dis rarement ça, hein, mais mon père. Deuxième question. Que lisiez-vous en ce moment? Oh là là, un sommet de la littérature du XXe siècle. Je suis en plein dans l'Ulysse de James Joyce. Et j'en suis à la page 170. C'est ma troisième tentative. C'est passionnant, c'est magnifique. D'une puissance incroyable. Troisième et dernière question. Aimeriez-vous changer de ville? Vous êtes né où? Je suis né en banlieue, dans le 94, à Saint-Maur-des-Fossés. Donc vous êtes parisien? Ouais, je suis parisien, je suis banlieusard, disons. Vous avez changé de ville? Non, je ne veux pas changer de ville, je suis très bien ici. Merci d'être passé ce matin, la Fromagée. Je vous en prie. Vous nous faites le générique de fin? Bien sûr. Je dis tout, alors? Oui. C'était Un autre jour est possible, le magazine culturel très matinal de Toufik Hakem. Un autre jour est possible, c'est tous les jours à 6h du matin à la radio, ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne et le podcast disponible sur franceculture.fr. Cette émission a été préparée avec la complicité d'Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet. Oui, tout va bien. Hein. À la technique, Emmanuel Morse-Duncan. C'est ça. À la réalisation, Vincent Abouchard. Parfait, merci Alain Fromagée. Demain, on se retrouve à la même heure pour la suite de notre série consacrée à Arthur Miller, en compagnie de Liliane Kerjean. Et en deuxième partie, je serai avec le peintre, dessinateur et illustrateur François Avril. Bonne matinée sur France Culture, à demain.